مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ف on a pu prendre dans le cours dernier ما يتعلق بمسألتين: المبتدأ والخبر. Tout ce qui est en rapport avec le مبتدأ والخبر par rapport à ce qu'il a évoqué المؤلف رحمه الله تعالى. Et nous avons évoqué que Al-Mubtada comme le Khabar, ils font partie de ce qu'on appelle Marfu'at al-Asma, de ceux dont le jugement au niveau de l'Irab et les Marfu'at. Naam. Et il a évoqué que le Mubtada, qala huwa al-ismu al-Marfu' al-Hari' an al-Awamil al-Dhiyah. C'est le isme qui est Marfu' et qui est dénudé de tout Amil al-Dhiyah. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche le Amil du Mubtada, qui l'a rendu Marfu', on se rend compte qu'il n'a pas, de Amil. Lorsqu'on regarde, il n'a pas de hamil, c'est-à-dire l'afdhi. Parce qu'on a pu voir que al-hawamil tamqasimu ila qismay, l'afdhiya wa ma'nawiya. Il n'a pas de hamil qui est l'afdhi. Lakin son hamil, il est quoi? Il est ma'nawi. On avait dit la définition qui est pas mal, c'était de dire wal musnadu ilayhi alladhi la yasbiquhu hamilun l'afdhi. Afin de ramener le mot yasbiquhu, c'est-à-dire qu'on sent dans le mot ptada, comme par rapport à son appellation, qu'il n'y a rien qui le précède. Au niveau des awamil, au niveau des choses qui sont l'abdhiyya, qui sont prononcées. Ensuite, on a pu évoquer par rapport au ism, que son ism, il y a le qasim ou l'aqsam, tu as le ism sarih, il y a le ism qui est mu'awwal, et tu as le mudmar. Donc il y a le qasim ou l'afarafa, comme on a pu voir avec le fa'il. Thumma al-hadi wa al-khabaru. هو الاسم المرفوع المسند إليه. نعم. il appelle aussi كذلك الخبر المسند إليه. la chose que tu vas lier à une autre. تام كذلك il appelle le خبر نعم المحكوم. الخبر المحكوم. والمبتدا المحكوم عليه. le خبر c'est celui qui comporte un jugement. et le محكوم عليه qui est le مبتدا c'est celui à qui on va apporter ce jugement. تام. عمر طيب. عمر est bon. فحكمنا على عمر. أنه طيب. On a juge de Amr qu'il est quoi? De طيب. Donc il est محكوم عليه le مبتدا qui est Amr. Tam كذلك on peut l'appeler مسندون إليه. مسندون إليه. Pourquoi? Parce que on lit l'action au مبتدا. Tam أسندنا مثلا قلنا مثلا يعني عمر قائم أي أسندنا القيام إلى عمرين. عمر قائم. On a lié cette action à qui la personne est debout à Amr. Tam on peut l'appeler المبتدا مسند إليه ومحكوم عليه. والخبر on peut l'appeler محكوم ومسند. On avait pu voir la définition qui était bonne à dire par rapport au khabar. يعني هو الذي يتم به مع المبتدا الفائدة. C'est celui qui avec le مبتدا va apporter et une information qui est complète. Une fa'ida, c'est-à-dire une jumla qui est mufida. Ensuite, il a pu évoquer, rahimahullah ta'ala, certains des exemples. Et à travers ces exemples-là, il a voulu nous laisser entendre que il y avait des ahkam qu'il fallait observer avec entre le mubtada et le khabar. Que baynahuma, le premier des hukm, c'est qu'ils sont marfoua, les deux. Le deuxième, c'est que, comme il a évoqué ici, al mubtada wal khabar yatatabatan. Ils sont conformes. Si le mubtada est singulier, féminin, il faut que le khabar soit féminin, kazalika singulier. Donc ils se suivent en genre et en nombre. Et kazalika, le mubtada, c'est une chose qui est quoi ? Ma'rifa, une chose qui est définie. Parce que lorsqu'on va apporter un jugement sur une chose, il faut que cette chose-là soit définie afin que là, la faïda soit complète. Ah, mais si jamais on ramène une information sur une chose qui est indéfinie, la personne peut se demander, mais qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, t'as-t-il ? Donc la faïda ne sera pas tam, ne sera pas complète. Ensuite, il a évoqué l'aqsam du mubtada. Et comme on a pu voir, tam, huwa yajri ala adatihi. Tam, son habitude de citer le mubtada, plutôt les choses qui sont marfoua, parmi l'asma, on va laisser passer l'avion. Parmi les choses qui sont marfoua, parmi l'asma, en disant qu'il y a le zahir et il y a le mudmar. Et comme on a pu voir, en vérité, yankasimu la thalatha, ou bien on dit que le zahir yankasimu la qismay. Tam, al zahir, il y a le ismu as-sarih, comme on a pu voir, Muhammad, Amrun, Abdullah. Et il y a le ismu mu'awwal, celui qui est précédé de an, mudmara, nasiba, al-mustaqbala. Tam. Donc le verbe qui va suivre anna, ils vont interpréter comme quoi ? Comme un masdar. Wa anta sawmu khayrun lakum, ay siyamukum aw sawmukum khayrun lakum. Donc il y a un qasim al-zahir et un qismen, on peut dire cela aussi. Et le mudmar ma'ruf, comme il va l'évoquer hahuna. Et là il a évoqué les mudmarat qui sont quoi marfoua. Parce que vous allez voir inshallah que le mudmar il y a un qasim ila thalatha min haythu al-i'rab. Il peut être le mudmar fi mahal raf, il peut être fi mahal nasb, il peut être fi mahal jar. Là, il a évoqué les mudmarat qui sont fi mahal raf, parce qu'on parle de quoi ? Du mubtada. Donc le mubtada, il ne peut être que quoi ? Marfou'. Et les damers, vu qu'ils sont mabnis, on ne dit pas qu'il est marfou', mais qu'on dit fi mahal raf. Ensuite, il a évoqué, rahimahullah ta'ala, on va faire participer un peu, que le khabar yanqasimu ila qismay. Il a dit mufrad wa ghayr mufrad. C'est quoi le ma'na de mufrad ? Qu'est-ce qu'il entend par là lorsqu'il dit al-mufrad ? Naam, alladhi laysa bi jumla wa la shabih bil jumla. Naam, hadha huwa al-mufrad. On fait attention. Inch'Allah, dans un kitab qui va venir, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le facilite, qui s'appelle Al-Mutammima, il explique, plutôt c'est dans le Tahqiq, dans la Hashia, que le Mufrad il a plusieurs significations dans Al-Nahwu. Il a plusieurs significations. Là, on a pu voir qu'il y a le cas dans le Ism Mufrad, c'est pas ce qui est voulu ici par le Khabar Al-Mufrad. Al-Ism Mufrad, c'est celui qui n'est pas Jam et qui n'est pas Musanna. Amma Al-Khabar Al-Mufrad, c'est écrit là, Al-Nazi Laysa Bimujumla. Voilà, shabih bi jumla. Donc, celui qui est ghayr mufrad, c'est celui qui est quoi ? Qui est jumla ou bien shabih bi jumla. Lorsqu'on dit jumla, il y a la jumla tanqasim ila qismayn. Jumla ismiya wa jumla fi'liya. Tam. Amrun dhahaba ila as-souqi. Tam. La jumla qui suit après dhahaba ila as-souqi, c'est le khabar de Amr. Tam, c'est le khabar de Amr. Et c'est une jumla qui est quoi ? Fi'liya. Amrun abuhu dhahibun. Le père de Amr, ou plutôt Amr, son père va partir. Tam, ou est en train de partir. Donc, abuhu zahibun, c'est une jumla, le khabar qui est là. Et c'est une jumla qui est quoi ? Une jumla qui est fi'aliya, plutôt ismiya. Et si on dit, mathalan, ana fi al-matbakhi, ou ana fi al-ghurfa, ou ana fi al-fasli, fa fi al-fasl, c'est un shibh jumla. C'est pas une jumla, mais on appelle ça shibh jumla. Et le shibh jumla, ça englobe le jar ou le majrour, ou kazalika al-dharf, et ce qui suit derrière. Et on va voir qu'en vérité, lorsqu'on dit anafi al-fasli, le khabar il est sous-entendu. Lakin, inshallah, ça c'est dans un autre livre. Inshallah, tabarak wa ta'ala. Là, c'est juste mimbab yani tashil, pour faciliter la compréhension du matin. Naam. Et ensuite, il a évoqué les exemples pour cela. Rahimahullah ta'ala. Donc, on poursuit, inshallah, la lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu al-awamil al-dakhilati ala al-mubtada'i wal-khabar. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المبتدأ والخبر، الآن إذا إيفوكي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. إذا إيفوكي العوامل، ce sont les choses qui vont rentrer dans le مبتدأ et dans le خبر. On peut appeler كذلك ces عوامل-là, ils les appellent نواسخ. On va voir pourquoi ils appellent ça نواسخ. Parce qu'ils viennent donner un autre jugement au مبتدأ والخبر. T'as le mubtada wal khabar. Mubtada et le khabar, les deux sont marfou. Lakin lorsque c'est awamillah, ils vont rentrer dans le mubtada wal khabar, qui ne sont pas à la base, lakin ils vont rentrer pour une cause, pour apporter un sens que, à la jumla, et bien on va les appeler quoi? Nasir. Pourquoi Nasir? Yanni, c'est celui qui va abolir le jugement qu'ont le mubtada wal khabar. Ils vont lui donner un autre jugement. Donc ces awamillah, on les appelle, tu vas les trouver dans les kutub de Nahou, ils les appellent quoi? Al-Nawasir. Ou al-Nawasir, c'est le djem de quoi? De Nasir, de la chose qui va abolir une autre. Et là, c'est pas le Nasir de ce qu'on a pu voir dans Usul Fiqh, lakin c'est le Nasir dans le Bab, dans le Nahou. C'est celui qui va annuler un jugement et apporter un nouveau jugement. Qala wa hiya thalathatu ashiya. Kana wa akhawatuha. Wa inna wa akhawatuha. وظننت وأخواتها نعم فالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر يسمى على ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها بخوة يزنبوكي كان إن إلى آخره وظن بس كما نعمل ça أم الباب هم سيسون les références dans ces chapitres là أخواتها c'est-à-dire celle qui ont la même fonctionnalité que kana et kazalika de inna et de vananna plutôt de vanantu qui est vanna quand on dit akhawatuha et allati ta'amalu hamalu kana ou inna ou vanna c'est ça le bimana akhawatuha et c'est awamilla addakhidati alayha c'est à dire kana wa akhawatuha wa vanna wa akhawatuha on les appelle afhal naqisa afhal naqisa pourquoi fi'al naqis parce que la faïda que Naham comprend ce que contient ces awamilla, elle ne peut être compris qu'avec le mubtada et avec le khabar. Yani, ce qui est le mubtada et le khabar. Et pourquoi ils ont appelé naqis? Parce qu'il a besoin. Il a besoin de ce qu'on va appeler yani, le khabar. Il sera comme si jamais c'était un maf'ul bih. Il aura besoin de cette chose-là qui est le mansoub afin que le sens y soit compris. Parce que généralement, un fi'al, il a besoin d'un fa'il afin qu'il soit compris. Un fi'al, un fa'il. Zahaba Muhammadun, tam. Zahaba Muhammadun, ça c'est un fi'al qui est quoi? Tam. Pourquoi ils l'ont appelé tam? Parce que yatimu al-ma'na ma'a fa'ilih. Le sens de zahaba, il est compris avec quoi? Son fa'il. Donc ça suffit. Pour ça qu'ils l'ont appelé tam. Amma naqisa, parce qu'ils ont besoin, c'est kana wa khawatuha, dhanantu akhawatuha. Ils ont besoin d'un mansoub, un espèce de mansoub, afin que le sens y soit compris. Et lorsqu'on disait les afral qui sont naqisa, on parle de quoi? De kana et de dhanna. Amma inna et tout ce qui est akhawatuha, ce sont tous des ahruf. Amma kana wa dhanna, ou plutôt kana wa akhawatuha, wa dhanna wa akhawatuha, ce sont des afral. Amma inna wa akhawatuha, ce sont tous des ahruf. Donc lorsqu'on dit al-fa'l naqis, on parle de quoi? De kana wa akhawatuha, wa dhanna wa akhawatuha. Donc, c'est awamilla, tanqasimu la qismay. T'en as qui sont quoi? Qui sont des afhal et t'en as qui sont des quoi? Qui sont des ahruf. Amma al-afhal, on les appelle afhal naqisa. Qu'ils ont besoin d'un mansoub afin que le sens y soit compris. Et tous, on les appelle quoi? Nawasikh. Ces trois-là. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala fa amma kana wa akhawatuha. Qala fa innaha tarfa'u al-ism wa tansibu al-khabar. Naham. Ça, c'est la wazifa de kana wa akhawatuha. Ça, c'est au niveau des arabes. Qala tarfa'u al-ism wa tansibu al-khabar. C'est pour ça qu'on les appelait nawasikh. La personne peut se dire, on a dit ce sont des choses qui rentrent à la mubtada wal khabar. Fa ayna al mubtada? Al mubtada c'est le ism. Lakin lamma dakhala kana alayhi nasakha hukmahu. Donc on l'appelle plus mubtada, on va l'appeler ism. Donc ça c'est le premier changement. La première chose qui est abolie au niveau du mubtada, c'est qu'on l'appelle plus mubtada. Idha dakhala kana wa akhawatuha ala al mubtada la yusamma al mubtada mubtada'an, on l'appelle plus mubtada. Lakin yusamma ismu kana ou bien ismu akhwati kana, il y en a celles qui vont venir inshallah. Comme ça c'est le premier hukm au niveau de l'appellation. On l'appelle plus mubtada. Wal khabar, n'am, il a la même appellation. Lakin au niveau des arabes, kazalika, il y aura un changement. On va abolir le comme il a dit هنا fa innaha tarfa' al ism. C'est-à-dire que le mubtada il est marfou. Lakin lorsque kana wa akhawatuha ils vont rentrer dans le mubtada, ils vont lui supprimer ce raf'a-là pour lui donner un nouveau raf'a. Donc il aura un nouveau i'rab et un nouveau nom. Wal khabar, il va passer de l'état du marfou' jusqu'à l'état de quoi? De mansoub. Avant, on a pu voir que le mubtada, plutôt le khabar, il fait partie des marfou'at min al-asma. لكن كان إذا دخل عليها وأخواتها وكذلك إن وكذلك ظن on va l'appeler خبر لكن il sera quoi il sera منصوب كما قال رحمه الله تعالى فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر نعم et ça c'est pour كان وأخواتها أما إن وأخواتها وظن وأخواتها ils ont un حكم qui est spécifique à eux-mêmes donc là c'est le jugement qui est propre à كان وأخواتها c'est quoi sa وظيفة c'est que ترفع الاسم وتنصب الخبر donc lorsqu'on fera l'Irab مثلا قولوا سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما donc le waw على حسب ما قبلها هكذا في الإعراب lorsqu'on te donne un Irab dans lequel on te dit dans la phrase le début de phrase il y a un waw tu dis al waw على حسب ما قبلها le waw il est en fonction de ce qui est avant donc on ne se préoccupe pas كان tu diras فعل الماضي مبني على إيش مبني على الفتحة لفظ الجلالة mais on ne dit pas Allah لفظ الجلالة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره si on fait l'Irab de لفظ الجلالة qui est Allah عز وجل on ne dit pas كان فعل الماضي ensuite on dit Allah اسم كان ça ne se dit pas ça c'est pas du adab مع الله سبحانه وتعالى faire attention lorsqu'on fait l'Irab que Allah سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام faut faire attention de dire que Allah c'est اسم كان Allah il a il s'est pas spécifié de اسم كان ou ces choses là donc on dit quoi لفظ الجلالة le lafz al-jalala ça veut dire le terme yani, qui est illustre qui est majeste donc on dit lafz al-jalala ism kana marfou' bi kana wa alamat raf'ihi qu'est-ce qu'il a rendu marfou' plutôt qu'est-ce que c'est quoi la alama qui nous montre qu'il est marfou' al-damma al-zahira fi akhirihi wa dit quoi kana Allah aliman hakima on va s'arrêter juste aliman on dit aliman khabaru kana mansoub bi kana wa alamat nasbihi Al-Fatha, Al-Zahira, Fi Akhirihi. Donc là, on ne parle plus de Mubtada wa Khabar, mais on parle de Ismu Kana wa Khabaru Kana. Qala, Rahimahullah Ta'ala. Et non, kazalika, lorsqu'ils évoquent de Kana wa Khawatuha, il y a une autre partie, kazalika, qui a la même fonctionnalité que Kana, on appelle Kada wa Khawatuha. Mais il ne l'a pas évoqué, Inch'Allah, donc on ne va pas l'évoquer, mais c'est juste Mimbab et Tanbih. Il y a d'autres sortes d'af'al qui vont apporter le sens de al-muqaraba, qu'une chose est proche. Tam, kad al-jarasu yarin. Peu s'en faut pour que la cloche assonne. Yani, il reste yani très peu de temps entre ça. Pour ça, ils appellent afal al-muqaraba, c'est que l'action qui va venir est proche. Donc ça, inshallah, à mon avis, ça va venir dans un autre hadith. Lakin, il y a d'autres sortes de verbes, tamam, qui ont la même amal que kana. Ils sont pas évoqués comme akhawat kana. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sens yani qui est à part. Tam. Et ça s'appelle kada wa akhawatuha, inshallah, ça sera à venir dans un autre livre. قال رحمه الله تعالى قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي نعم إليزي وقت مثلا قال وهي كان وأمسى أمسى c'est la chose qui s'est déroulée la nuit أمسى محمد مريضا أمسى محمد مريضا إلا passé la nuit malade أمسى محمد أمسى فعل ماضي مبني على السكون ومحمد اسم أمسى مرفوع بأمسى وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره On avait dit quoi Mariadan, khabaru amsa, mansoub, wa alamatun nasbihi, al-fatha al-zahira, fi akhrihi. Amsa, c'est bimana, ittisaf al-jumla, fi al-masa, la nuit. Qala wa asbaha, c'est la même chose sauf que c'est la journée. Asbaha muhammadun nashiatan, c'est-à-dire qu'il a passé la journée en étant en bonne forme, nashiatan. Et les arabes, c'est la même chose. On dira muhammadun ismu kana, wa nashiatan khabaru kana. Qala wa adha, adha muhammadun. Dahikan, مثلا. Au moment du duha, Muhammad il était joyeux, il était en train de rire. Donc là, pareil, on dira Muhammadun ismu adha wa naham wa j'avais dit quoi? Dahikan khabaru adha. Qala wa dhalla مثلا. Dhalla Muhammadun jalisan. Dhalla Muhammadun jalisan. Fadhalla huna, c'est bimana ish. C'est bimana ash-shay ladhi hasala fi waqti adh-dhil. C'est la chose qui est arrivée au moment où il y a de l'ombre. Donc c'est la journée. T'as, c'est la journée. Là où il y a de l'ombre. Au moment où il y a de l'ombre, ce waqt-là, on l'appelle quoi? Tu utilises le verbe, il y a un dhalla. Donc dhalla muhammadun jalisan, kathalika hahuna. Muhammadun ismu dhalla, marfu' bi dhalla. Et jalisan, c'est khabaru dhalla. Qala mathalan wa bata muhammadun qa'iman mathalan. Bata muhammadun qa'iman. Et bata c'est bimana l'action qui s'est passée la nuit. Al mabit c'est la chose qui est passée la nuit. Bata Muhammadun qa'ima. Muhammadun a passé la nuit. Il y en a debout, c'est-à-dire en prière. Donc on dit la même chose. Muhammadun ismu bata. مرفوع بباتا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ونعم ونبيكوا باتا قائما قائما خبر باتا. قال وصار اي سل تحويل تمام. صار محمد وبتوما شانجي صار عمرو سلفيا تمام. après que il a connu مثلا une فرقة parmi les فرق الضالة. après qu'il a connu une secte qui était égarée, Allah subhanahu wa ta'ala tab alayhi, il est devenu salafi. تمام. صار محمد وانا بدي عمرو صار عمرو سلفيا. عمرو est présent يعني سلفي. حول يعني il a changé بمعنى تحويل. مثلا صار الجو باردا après qu'il était chaud. L'atmosphère est maintenant يعني il est bon باردا plutôt il est froid après qu'il était chaud. صار c'est le تحويل دحل إلى حال آخر, le changement d'état. قال وليس et ليس c'est un فعل qui apporte la notion de la négation. فعل النفي. Et on va voir qu'il est quoi, il est jamid, on ne peut pas le conjuguer dans tous les temps, simplement au ماضي. ليس محمد كاذبا, محمد n'est pas un menteur. C'est mais tu vas porter cette notion de nafi, tu ramènes laïsa. Donc pareil, Muhammadun ismu laïsa, marfou' bi laïsa, wa alam turafihi, adhamma al-zahira fi akhirihi. Et kaziban c'est khabaru laïsa. Qala mazala, naham, mazala Muhammadun, mazala Muhammadun mawjouda. Muhammad n'a cessé d'être présent. Donc kadhalika al-i'rab, c'est la même chose. Le premier c'est ismu mazala et l'autre c'est khabaru mazala. من فك محمد جالسة pareil, c'est la même chose. من فك c'est une chose يعني qui est ملازم يعني qui lie à une personne تمام. C'est le khabar, l'information qui lie à la personne. مثلا si on dit من فك محمد من فك محمد فاكرا يعني il a cessé d'être dans ses pensées تمام. Il a cessé de penser. كذلك ما فاتيا ما فاتيا وما بارحة, ces quatre là ils ont le même sens تمام. C'est la الملازمة, une chose qui colle à la personne. Mazala Muhammadun qa'ima, el qiyam il est lazim bih. Man fakka wa ma fati'a wa ma bariha, c'est le même sens. Ça porte le même sens que quoi? Mazala. Qala wa madama, naham, madama c'est un peu le même sens, mais on va voir qu'au niveau de l'arabe plutôt il y a des hakem qui sont différents par rapport à madama et man fakka. Madama c'est une chose yani qui est kazalika, qui continue. كما قال الله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. En parlant de Isa, وأوصاني بالصلاة والزكاة, on m'a enjoint la prière à la zakat, ما دمت حيا, tant que je suis vivant, tant que je suis vivant. قال وما تصرف منها, نعم, parce qu'on va voir que certains se conjuguent. قال نحو كان ويكون وكن, donc ça c'est la même chose. Lorsqu'il dit كان وخواتها, la personne peut penser que il y a que كان qui rentre dans quoi, dans le مبتدا والخبر. Et si jamais il se conjugue, il ne rentre plus dans le mubtada et dans le khabar là. C'est kazalika, tous les dérivés de quoi? De kana. Kana, wa yakun, wa kun. Kana, madi, yakun, c'est mudari, wa kun, c'est amr. Mathalan, on a pu voir kana, tu dis mathalan, yakun muhammadun mawjoudan, inshallah. Radan, c'est yakun muhammadun mawjouda. Donc c'est la même chose. Ismu inna kana, wa ismu yakun, wa khabaru yakun. مثلا تيجي عند شخص كن مجتهدا تمام. كن مجتهدا كذلك هنا مبتدا وخبر, اي انت مجتهد الاصل. Tu veux lui comment s'appelle l'ordonner d'être mujtahid, tu diras kun mujtahida. Donc la kana est rentrée dans quoi, dans le mubtada wal khabar sous la forme d'un amr. Si on fait l'i'rab on dira kun fi'l fi'l amr mabni 'ala as-sukun wa fa wa ismuhu, donc là on parle de ism, c'est plus mubtada. واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. Lorsque tu dis kun ay anta, et le damir qui est mustatir هنا c'est le ismu kana. Donc on dira damir muttasil plutôt damir mustatir وجوبا, il ne peut pas apparaître, تقديره ايش انت. Donc ça c'est le ism. On a dit kun mustahida ou mustahidan, tu diras khabaru kun mansuf wa alamatu nasbih al fatha zahira fi akhirih. Qala wa asbaha ويصبح وأصبح, نعم, la même chose qu'on a pu évoquer avec quoi, كان ويكون وكن. قال وتقول كان زيد قائما, نعم, كان فعل ماضي مبني على الفتحة, وزيد اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره, قائما خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره. ليس عمر شاخصة, نعم, ليس عمر شاخصة, ليس فعل ماضي مبني على الفتحة نعم. وعمر اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وشاخصا خبر ليس منصوب ليس وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قال وما أشبه ذلك. نعم. par rapport aux exemples. On va évoquer là maintenant, inshallah, quelques ahkam qui sont en relation avec kana wa akhawatuha. Avec kana wa akhawatuha. Awalan, il faut savoir qu'il y a certains de ces akhawat de kana, ta'mal, c'est-à-dire ta'mal hamala kana, lakin bishurut, avec des conditions. مثلاً لكات كنا بيوكي من فك وما فاتئ وما بتو البرمي ما زال ومن فك وما فاتئ وما بارحة. ces quatre là il ne peut être que il peut être نعم comment s'appelle des akhawat de kana à l'exception si jamais ils sont précédés d'un nafi ou bien d'un nahi. Il faut qu'il y ait une chose qui la précède. Comment on peut le voir ici? ما كم سنفي كذلك من فك نفي ما فاتئ كذلك قدم له نفي وما بارحة كذلك تقدم عليه نفي. Donc ces quatre-là, ces quatre akhawat qui sont des verbes, hein, on a, il faut savoir que ta'mal, amal, kana, à l'exception qu'ils sont précédés d'un quoi? D'un nafi ou bien d'un nahi. D'une négation ou bien d'une interdiction. Si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, ils ne vont pas avoir le amal de kana ou akhawat. Donc ça c'est important à savoir. Et par rapport à madame, lui, كذلك, il a un shart. Pour qu'il soit min akhawat kana, il faut qu'il soit muqaddam d'un masdar, ou plutôt de ma al-dharfiyya, al-masdariyya, ma al-masdariyya, al-dharfiyya. Le ma qui apporte la notion de masdar, on va voir ce que c'est, ou al-dharfiyya. كذلك, huwa ya'mal bi shart. Ama le reste, tout ce qu'il a pu évoquer, amsa wa asbaha, wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa, wa na'am. Tout ce qui est avant ma laysa, tout cela, ils œuvrent rien directement, il n'y a pas de chourout par rapport à cela, il n'y a pas de condition, c'est comme kana. Lakin les autres, bichar. Ma dama, on a dit, il faut qu'il y ait taqaddam alayhi ma al-masdariya al-dharfiya. Ma ma'na al-masdariya, c'est celle qui va rentrer dans dama et qui va être interprétée avec dama comme étant un masdar, comme on a pu voir avec an. An, on a pu voir que parmi ces, la fonctionnalité de an, c'est masdariya. Mathalan, qu'on dit subhanahu wa ta'ala. وأن تصوموا خير لكم. On a pu voir que أن مصدرية الأخيرين تصوموا avec أن c'est interprété comme un مصدر. C'est comme si on s'était dit صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم. Lorsqu'ils disent مصدرية, c'est que la chose qui est appelée comme مصدرية avec le verbe qui va venir derrière, ça peut être qu'un verbe, le verbe qui va venir derrière, ils vont interpréter comme étant un مصدر. Et ظرفية, c'est qu'il faut qu'il apporte ce mal là la notion du temps. Vous allez voir que ma, il a plusieurs, il y a des significations. Parmi les significations, plutôt les significations qu'on connaît à ma, on connaît ma al-istifhamiya, ma smuka, tamam. On connaît ma al-nafiya, ma akaltu, ma akal, ma stobahtu. Je n'ai pas pris de savoir, j'ai pas pris de petit déjeuner. Ça, c'est, je pense, les deux que vous connaissez. Et après, il y en a d'autres à la kullaha. Il y en a plus de, je sais plus en quoi, j'en connais à peu près, moi j'en connais six. Il a plusieurs sens, tamam. Et parmi ces sens-là, ma al-masdariya, celui qui va être interprété avec quoi? Avec le verbe qui va venir derrière comme étant quoi? Un masdar. Et dharfiya, parce qu'il aura la notion du temps. C'est-à-dire, مثلاً, la parole d'Allah Azza wa Jal, wa awsani bi salat, wa zakati ma dumtu hayya, en parlant de Isa, on dira, wa awsani bi salat, wa zaka, muddata dawami hayati. Wa awsani bi salati wa zakat, ma dumtu hayya, c'est comme ce que c'était dit, wa awsani bi salat, wa zaka, muddata dawami hayati. Pourquoi on a ramené muddata? Parce que le mudda, ça a le sens de quoi? Du temps. Mudda, c'est le temps, une période, un temps, un moment, et l'akhir. C'est pour ça qu'on a dit ma mastariya dharfiya. Parce que il va porter le sens de quoi? Du temps. Muddatun. Et généralement, ils évoquent muddatun dans, lorsqu'ils épluchent les arabes. Et dama, c'est quoi son masdar? C'est dawam. Le masdar dama, c'est dawam. Le masdar, c'est comme c'est celui qu'on appelle dans la langue française le nom commun. Le nom commun. Quand tu dis dama yadoumou, dawaman. Dawaman, c'est quoi? C'est le masdar. C'est le nom commun, si on peut dire cela. Lorsqu'on a épluché l'arabe, on a dit quoi? Muddata dawami hayati. Ma dumtu hayya, muddata dawami hayati. Mudda, c'est dharfiya. Wadawam, c'est quoi? C'est le masdar. C'est pour ça qu'on appelait ce ma là, qui doit précéder dama, dharfiya, parce qu'il aura le sens du temps, et masdariya, parce que le verbe qui va suivre derrière, avec ma, il va être interprété comme étant un nom commun, un masdar. Wa awsani bi salah wa zakah ma dumtu hayya ay muddata dawami hayati. Ana usahibuka ma dumta mustaqiman. Je te fréquenterai tant que tu seras sur la droiture, tant que tu seras droit. Là, كذلك, si on venait à faire le. On épluche les arabes, on dira quoi? Ana usahibuka muddata dawami istiqamatik. Muddata dawami istiqamatik. Muddata, tant que. Dawam, yani, ma'ruf, yani. Tant que tu feras cela. Donc, c'est ça le sens de quoi? Masdariya. Et de quoi? De zarfiya. Il faut que ça soit précédé de cette ma'la. Tam, labud. Naam. Ensuite, il faut savoir que ces af'al-là, min haythu atasharruf, parce qu'il nous a dit quoi, rahimahullah ta'ala, à la fin? Il a dit, après les avoir cités, qala wa ma tasharrafa minha. La personne ne peut comprendre que c'est tous ces af'al, ils se conjuguent normalement. C'est-à-dire, au madi, au hal et au amr. Et on peut penser cela. Alors que ce n'est pas le cas. Hein. C'est min haythu atasharruf, au niveau de la conjugaison, c'est af'al-là, tanqasimu ila thalatha. Et se divise en trois parties au niveau de la conjugaison. T'en as qui vont se conjuguer dans tous les temps. Madi, hal, wa amr. T'en as qui vont se conjuguer que dans le madi. T'en as qui vont se conjuguer dans le madi et dans le hal, c'est-à-dire en étant mudari. Donc yani tanqasimu ila thalatha. Fa al af'al minha allati la tatasarraf, c'est-à-dire qu'on trouve que le madi, laysa wa madama. Là on parle de laysa. Tu ne peux pas trouver Leïsa au monde, il y en a comme ça un peu sous la forme du monde arrière. Ça n'existe pas. C'est que dans quoi? C'est que dans le Mardi. Ana, lestu. Anti, lesti. Anta, lesta. Nahnu, lesna. Antum, lestum. Antuma, lestuma. Hum, leysu. Hiya, leysat, ilakhirehi. Parce qu'il se conjugue que dans quoi? Que dans le Mardi. Tu ne peux pas trouver Leïsa dans l'amr. Il n'y a pas de fi'al amr avec Leïsa. Ça n'existe pas. Et Kadalika dans le monde arrière, ça n'existe pas. Kadalika. Madame, madame, on parle quoi de, on parle de madame, celui qui va rentrer dans Mubtada wal Khabar. A madame, il se conjugue. Il se conjugue. Laquelle on parle de celui qui rentre dans le Mubtada wal Khabar. Celui-là, il ne peut pas se conjuguer. Il reste donc quoi dans le Mardi. Madame, madumtu, madumta, madumti, madumtum, madumtunna, madamu ila khirihi. Laquelle tu dis pas yadum. Parce qu'il faut qu'il y a quoi? On a dit parmi ces conditions-là, parce que si jamais tu rentres dans le monde arrière, il n'y aura plus le masdariya, ce masdariya zarfiya. C'est pour ça qu'on ne peut que le laisser dans la forme qui est quoi, qui est mardi. Donc là, le premier qism de ces af'al là qui sont mis l'akhawat inna, c'est l'af'al allati la tatasarraf illa fil mardi, qui se conjugue dans le mardi, qui sont au nombre de deux, laysa et madama. Ensuite, à ceux qui tatasarraf tasarrufan naqisa, ceux qui sont qui se conjuguent, laquine la conjugaison elle est quoi? Alena qui sont les manquants. Et c'est les quatre. Mazala, manfakka, mafatiha, wama, bariha. Ces quatre-là, ils se conjuguent au mardi et kadalika dans le mudari. Lakin ne se conjuguent pas dans l'amr. Mazala Muhammadun qa'ima. Tu peux dire, lan yazala Muhammadun qa'ima. Là, le premier, il était au mardi. Et le deuxième, il était au quoi? Il était au mudari. كذلك الاخر ما فاتئه بتوصل للزم زي من فك من فك محمد فاكرا ان لم ينفك محمد فاكرا دونك لا لي دو كذلك ils sont conjugués donc dans le mardi et dans le mudari pas conjugué laquelle sous la forme du mudari ما فاتئه نعم ما فاتئه محمد ما فاتئه محمد ضاحكه تمام لم يفتأ محمد ضاحكا كذلك يعني ايه حتى تكون حرضا تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا نعم ان شاء الله regardez à la fin je vais voir à la fin le début de la ayah qui me revient pas là lakin il a évoqué ce verbe là min akhwat kana qui est fatia qui est conjugué au quoi au hal et le dernier qui est bariha نعم comme fi qala subhanahu wa ta'ala lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa. Allah subhanahu wa ta'ala il évoque par rapport à parce que Moussa il est parti prendre la révélation et que c'est Haroun qui l'a remplacé. Ils ont commencé à, il y en a une haraf où ils ont dévié le peuple de Moussa Et ils ont dit, il y en a des grossièretés, des choses qui étaient vraiment immenses. Et parmi ces choses-là, la nabaraha alayhi raqifin, c'est-à-dire on ne cessera de rester sur l'adoration du veau. Hatta yarja ilayna Moussa, jusqu'à ce que Moussa revienne. On ne cessera d'adorer le veau jusqu'à ce que Moussa revienne. Donc là, ces quatre verbes-là, mazala manfakka ma fatiha wa ma bariha, ces quatre-là, ils se conjuguent. Lakin, d'une conjugaison qui n'est pas complète, c'est-à-dire ils se conjuguent sous la forme du mardi et du mudari bas. Et le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de Laysa, wa mazala, wa manfakka, wa ma fatiha, wa ma bariha, wa ma dama, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de cela, kana wa amsa wa asbaha wa adhaka, plutôt wa adha, wa dhalla wa bata wa sara, tous ces verbes-là, tamin akhwat in kana, yatasarrafun, tasarrufan tam. Elles se conjuguent d'une conjugaison qui est complète, c'est-à-dire dans al-mardi, sous la forme du mardi, du mudari' et kazalika du amr, comme il l'a pu évoquer, rahimahullah, tout en bas, en disant kana yakun wa kun asbaha yusbihu asbih kazalika amsa yumsi amsi kazalika dhalla ila akhirih tam bata yabitu bit sara yasiru sir tam naam. Donc ça, c'est par rapport à kana wa akhawatuha. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa inna وأما إن وأخواتها فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم كذلك ترفع الاسم وترفع الخبر. العكس دو عمل دو كوا دو كان وأخواتها. كان وأخواتها سكوا ترفع الاسم وتنصب الخبر. أما إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر. كذلك سناسخ من النواسخ. C'est-à-dire qu'elle va porter un nouveau حكم أكوا أو مبتدا والخبر. On va l'appeler, on va plus l'appeler مبتدا, لكن on va l'appeler اسم إن وخبر إن. قال وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. نعم. فإسو نمبر دو سيس إن وأخواتها. إلى دي رحمه الله تعالى أبخى بغيبو كل حكم إن وأخواتها كي نعم منصوب الاسم المبتدا كي devient après un اسم et qui va rendre marfou le khabar, qui va devenir khabaru, comment s'appelle, inna wa akhawatuha. Il nous évoque, naham c'est akhawat de inna. Il a dit inna, et inna ma'rouf, c'est harfu tawkid. Harfu nasbin, ils disent, wa tawkid. Nasbin, pourquoi? Parce qu'il va rendre mansoub le mubtada, qui va devenir son ism. Et tawkid, parce qu'il va apporter le sens de quoi? Du tawkid. Lorsque tu dis Muhammadun qa'imun, ça c'est une phrase. Lorsque tu dis Inna Muhammadan Qa'imun, là tu accentues la phrase au niveau du quoi? Du tawkid. Comme tu affirmes, il y en a vraiment que Muhammad, il est quoi? Il est debout. Donc là, le sens de Inna, ma'naha at-tawkid. Ta'ti bi ma'na at-tawkid. Elle apporte le sens du tawkid. Qala wa anna, kazalika, on l'appelle harfu nasb wa tawkid. Elle apporte le sens du tawkid. Le farq entre les deux, de Inna wa anna, il y a beaucoup de farq entre les deux. Lakin, ce n'est pas le but d'évoquer Ahuna parce que c'est un kitab de Mubtadi, de débutant. Lakin, ce qui est voulu par Inna, et plutôt la différence entre les deux, c'est que Inna, on va prendre une de ces différences. Inna, tu commences avec elle les phrases. Wa Anna na'am, il y a une chose qui peut la précéder. Il y a une chose qui peut la précéder. Amma Inna, il n'y a rien qui la précède. Il y en a de manière générale, prends-le comme cela, la différence entre les deux. Et Anna, elle peut venir dans quoi? Dans le milieu d'une phrase. Ensuite, il nous dit Walakinna. Non, Walakinna, c'est harfu nasbin wa istidarak. Maintenant, l'istidarak, en arabe, ils disent quoi? Tu l'as, y'en a yati, l'istidarak wa ibtal ma qad yatawahhamu al-sami' y'en a min al-ithbat ou min al-nafi. C'est la chose. Et qu'on ramène, on va ramener l'exemple, ça va être plus simple. Mais si jamais tu dis Amrun Mujtahid, et tu veux parler de son frère, si jamais tu dis Amrun Mujtahid, la personne peut penser que son frère, Kazalika, il est quoi? Il est Mujtahid. Alors c'est pas le cas. Tu diras Walakin Akhahu Kaslan. Amrun Mujtahid, Walakin Akhahu Kaslan. Yani son frère, il est quoi? Il est Kaslan. Amr, il est Mujtahid, il est sérieux. Lakin, mais son frère, il est quoi? Il est paresseux. On aurait pu penser que son frère Kazalika il est Mujtahid, lakin c'est pas le cas. Donc on ramène c'est quoi? C'est istidarak. Tu ramènes ce harf là qui a le sens de main. Afin qu'on ne pense pas que ce qui va suivre derrière a le même jugement au niveau de l'affirmation au biais du nafi que cette chose là. Maintenant, si jamais je dis ça, c'était au niveau de l'affirmation. On a dit quoi, Mohammed Mujtahid, yani, son frère est Mujtahid, lakin akhahu, yani kaslam, yani, c'est pas le cas. Donc là, on va, après l'affirmation, on va rapporter une chose qui aura le sens de quoi la négation, qui est que son frère ne l'est pas, il n'est pas paresseux. L'inverse, maintenant on aurait dit, ليس محمد طويلا لكن أخاه ولكن أخاه طويلا ولكن أخاه طويلا محمد il est pas grand لكن son frère il est grand. Donc là on apporte une information qui va être يعني qui va être différente de ce qui est avant. قال وكأن نعم وكأن ça porte la notion de تشبيه كأن التشبيه المؤكد يعني c'est la ressemblance qui est vraiment forte. C'est pour ça qu'ils ont ramené Anna. Ils disent il est composé de quoi? Anna mu'allaf min kalimatayn. Il est composé de deux mots. De kaf qui est kaf au tashbi et de Anna à tawkidiyya. C'est pour ça que le kaf il apporte la notion de tashbi et le Anna il apporte le sens de quoi? De barakallahu fikum du tawkid. La ressemblance qui est vraiment forte. Maintenant, si tu dis Anna Muhammadan akhuka. Yani, Muhammad, yani, c'est comme si jamais c'était ton frère. Yani, il te ressemble beaucoup. كأن محمدا أخوك. تمام. C'est comme si Muhammad était ton frère. تمام. فمحمدا هنا il est quoi? C'est اسمه كأن منصوب بكأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Et la suite يعني c'est خبره كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. قال وليت نعم ليت سي بحرف تمني. تمام. أتمني c'est espérer. C'est pas espérer en français. C'est on voit pas trop la différence. لكن Atamani, c'est quoi? C'est la chose ani araba fi ashay al mustahil ou al mutaassar. La chose qui est mustahil, donc qu'on ne peut avoir. Mathalan, ce qui dit leitani shababun. Hélas, j'aurais souhaité être quoi? Un jeune. Alors que maintenant, yani, il est vieux. Il peut pas revenir dans sa jeunesse. Donc là, on ramène quoi? Le leita, le leita qui a le c'est un harf et qui va porter la notion de yani soit une chose qui est quoi, naam, soit une chose qui est impossible ou bien qui est vraiment difficile à atteindre. Donc après c'est au niveau des harf c'est la même chose que quoi, que les exemples qu'on a pu évoquer. Et il nous dit wala alla, naam, la alla c'est un harfu taraddi ou ishfaq. Taraddi c'est à dire il apporte la notion de l'espérance. La alla ka بخير يعني j'espère que tu vas bien. لعلك بخير j'espère que tu vas bien. لعلك سلفي يعني j'espère que tu es un salafi مثلا. Et l'autre يعني qui est ishfaq c'est lorsque tu crains une chose. مثلا tu dis لعلك مريض. C'est pas j'espère que tu es malade. لكن je crains que tu sois malade. لعلك مريض يعني il craint que tu sois malade. Donc comment on fait le farq entre eux, la معنى que comporte لعل est-ce que c'est harf ishfaq ou bien harf taraddi, c'est au niveau du khabar comment il va se dire. Si jamais il apporte une chose dans laquelle il y a une espérance, ce sera harf taraddi, espérance. Et si jamais le khabar va apporter le sens d'une chose dans laquelle la personne craint, ce sera harf ishfaq. Ensuite, il faut savoir que tous ils peuvent rentrer dans quoi? Dans le ism qui est quoi? Zahir, tam. Inna Muhammadan. أن محمدا لكن محمدا كأن محمدا ليت محمدا لعل محمدا تمام يهون dans un اسم qui est quoi ظاهر comme ils peuvent rentrer dans quoi dans le مضمر تمام donc là ils rentrent dans deux choses تمام dans soit le اسم qui est صريح ou bien le اسم qui est quoi مضمر مثلا les ضمائر تمام إنك تمام إنك أنك لكنك كأنك ليتك تمام et لعلك تمام ولعلك donc ils peuvent rentrer dans les deux sortes de اسماء تمام قال رحمه الله تعالى قال ومعنى اي لا يبقى كده معنى جايبها الله مستعان قال ومعنى ان وان لتوكيد نعم اذا بورت لو سونس دو توكيد قال ولكن الاستدراك نعم قال وكان التشبيه اون افي دي التشبيه المؤكد باسكو يا ان كي انخد دون تمام il est composé de deux choses كاف التشبيه وان التوكيديه قال وليت للتمني la chose qui est difficile à avoir ou bien qui est impossible à avoir قال ولعل لترجي والتوقع يعني الاشفاق تمام توقع يعني c'est le même sens de quoi que ishfaq, il craint une chose, il craint la venue d'une chose. قال رحمه الله تعالى قال أما ظننت وأخواتها donc là il va parler du troisième qism et là c'est des fi'l, des af'al plutôt, c'est ظن وأخواتها قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها نعم كان واخواتها ترفع المبتدا تم الاسم وتنصب الخبر. ان واخواتها تنصب المبتدا اسمها وترفع الخبر. دونك العكس اظن واخواتها لي دو فون كو منصوب المبتدا والخبر. محمد قائم ظننت محمدا قائما. تم على بس تو مبتدا خبر محمد قائم الى انا entre ظن واخواتها et le mubtada wal khabar sont devenus quoi? Ils sont devenus mansub. C'est pour ça qu'on appelle quoi nawasikh. Ils sont venus, ils ont aboli le jugement de quoi? De Muhammadun qui est le mubtada et de qa'iman qui était le khabar. Donc dhanantu Muhammadan qa'iman ça veut dire en arabe tu diras dhanantu fi'l al-madh mabni 'ala as-sukun wa at-ta damir al-mutaharrik fi mahall raf'a'il. Muhammadan tu diras ismu dhanna mansub wa 'alamat an-nasbihi الفتحة الظاهرة في آخره وقائما خبر ظن منصوب وعلامة النصب هي الفتحة الظاهرة في آخره إلى دو سون دي كوا دو مفعول به تام سون دو مفعول به ils ont subi l'action de ظن. قال رحمه الله تعالى وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. نعم قال تقول ظننت زيدا قائما كما نبيوه بعض الأعراب. ظننت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متحرك متصل في محل رفع فاعل. زيدا اسم ظن منصوب بظن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قائما خبر ظن منصوب بظن ظننت نعم ظن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. قال خلت عمرا شاخصة. خلت يعني جي بونسي تمام والله اذا سي سي سي نعم قال وما اشبه ذلك سي جور دو افعال لا اذا اون ليز ابل افعال القلوب تمام افعال القلوب pourquoi parce que نعم سي ce sont des افعال qui viennent du cœur تمام quand tu dis on vanna c'est l'i'tiqad تمام i'tiqad j'ai pensé تمام je pensais que Mohammed était ou plutôt Zaidan était debout كذلك خلت c'est la même chose يعني خلت كأخا تمام j'ai pensé que tu étais un frère pour moi تمام. فلا كذلك ها هنا c'est أفعال القلوب c'est-à-dire que c'est les اعتقادات c'est les choses qui sont dans les cœurs تمام. on appelle ces أفعال là là qui sont ظن وخواتها أفعال القلوب تمام. les on va pas dire les verbes du cœur là كل حال أفعال القلوب c'est quoi معنى قلب يعني c'est quoi c'est يعني الحسة c'est dans le cœur تمام. c'est la chose qui est ressentie dans le cœur. il faut savoir que ces أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين من حيث المعنى au niveau du sens تمام. tout ce qu'il a pu évoquer تنقسم إلى قسمين من حيث المعنى. T'en as qui vont apporter du, la ma'na du yaqin, la certitude. Et t'en as qui vont apporter la ma'na de rujhan, la présomption, la forte présomption. Fait ceux qui ramènent la, le sens de la. Comment ça s'appelle du yaqin, c'est. Et en plus, il n'a pas tout évoqué, je crois. Il n'a pas tout évoqué. Al-Muhim, c'est Halima, comme elle avait dit, Huna, Halimtu. Halima, Wadara, il n'a pas ramené Dara. Dara et tout, il n'a pas ramené. مهم سهل درى وتعلم تمام ووجد الى بارمني كذلك والفا سهل. المهم ceux qui sont présents يا علم c'est tout non et وجد ce qui apporte le sens du yaqin لكن il y en a des autres تمام تعلم et الفا à la مهم et le reste donc il y en a tout ce qui est en dehors de علم et de وجد et ben ce sont des afhal qui sont quoi للقلوب لكن لمعنى الرجحان ce qui m'a apporté le sens de quoi la force présomption تمام وانا présomption حسبته كذلك تمام. et lorsqu'on dit افعال القلوب تمام on parle de certains des verbes c'est pas tout verbe qui va avoir le sens d'une chose يعني qui est parmi les اعتقادات qui va rendre منصوب يعني de مفعول تمام مثلا فهم تمام نعم كذلك عرف وحزن تمام ce sont des افعال القلوب لكن c'est pas من اخوات وانا تمام Akhawat dhanna, ils sont limités. Ce n'est pas tout verbe qui a le sens de afhal al-qulub, la chose qui est ressentie dans le cœur, qui va faire partie d'akhawat dhanna. Les akhawat dhanna, ils sont limités. Il a évoqué une partie là. Rahimahullah ta'ala, il ne les a pas tous évoqués. Et ceux qui apportent parmi ces afhal là, qui sont min akhawat dhanna, min afhal al-qulub, le sens du yaqin, c'est quoi? Alima et wajada. Et le reste, ce sont des afhal qui apportent le sens de quoi? Ar-rujhan, la forte présomption. Après au niveau des arabes c'est la même chose, ça sera la même chose. Ils ont tous le même sens. Lorsque tu dis نعم ظننت وخلت وحسبت وزعمت ورأيت, نعم رأيت المسألة سهلة زعمت سي prétendre une chose تمام et souvent c'est une chose qui est du mensonge تمام c'est le الظن المحسوب بالكذب c'est la pensée avec laquelle يعني il y a une sorte de mensonge تمام مثلا نقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك ne vois-tu pas ceux qui ont prétendu la foi c'est-à-dire qu'il y a du mensonge تمام ils disent qu'ils ont foi une prétention معروف la prétention تمام نعم ورأيت نعم lorsqu'on dit ra'aytu faut faire attention parce qu'il y a ra'a qui est quoi basariya lorsque tu dis ra'aytu muhammadan c'est pas celui qui est quoi min afhal yani min akhawat dhanna ra'aytu muhammadan tam c'est ce, j'ai vu une personne tam c'est quoi muhammad comment tu fais la différence entre ra'aytu celle qui est basariya celle qui est avec le sens de la vue et ra'aytu celle qui est avec le sens du cœur ra'aytu celle qui est avec le sens yani al basariya que tu as vu yani de tes yeux il va rendre mansoub qu'un seul fi'l plutôt il va rendre mansoub qu'un seul maf'ul طب مثلا رأيت محمدا خلاص رأيت محمدا هذا خلاص تمام نعم لوت كي بصريه مثلا شو تجي اراك ضعيفا في النحو تمام يعني je te vois ضعيف يعني c'est pas il te voit تمام لكن comment s'appelle par rapport à ce qu'il a eu comme ce qu'il a entendu il a fait donc il a eu quoi un jugement تمام je pense que tu es ضعيف dans le nahw تمام اراك ضعيفا في النحو تم أراك donc le كيف هنا le premier c'est quoi c'est le دمير متصل في محل نصب اسمه أرى qui est قلبية et ضعيفا c'est le خبر de ظن à la base c'est quoi أنت ضعيف في النحو أنت ضعيف في النحو on veut rentrer ce فعل de قلب فعل قلبي qui est أرى on dira quoi أراك تم أراك أي أنا أراك ضعيفا وجدت كذلك تم مثلا تبقى دي عمر المجتهد وجدت عمرا مجتهدا اي تاليقين تمام يعني tu penses avec yakin que عمر يكون مجتهد نعم كذلك اتخذت ta pensée تمام مثلا شيء ما تجي on va dire عمر كسلان اتخذت عمرا كسلان يعني c'est comme si tu l'avais porté dans ton cœur تمام tu l'avais pris dans ton cœur dans tes pensées dans tes jugements comme quelqu'un qui était quoi كسلان تمام donc là c'est بمعنى ظن تمام et كذلك جعلت faut savoir aussi كذلك جعلت il a plusieurs sens là. Il a plusieurs sens il peut rendre mansoub il y a deux mafhal bihi il peut rendre mansoub un seul mafhal bihi tam on va commencer par celui qui est qalbiya les kuffar ce qu'ils ont dit wa ja'alu al malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa yani les kuffar ils avaient comme aqida comme pensée que les malaika c'est un genre féminin wa ja'alu al malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa ils ont pensé que les malaika d'Allah azza wa jalla ar-rahman c'était un genre féminin wa ja'alu al malaikata فمالائكته سكوا اسمه جعله وإناثا سخبره جعله نص بمعنى إيش وظنوا تام ظنوا الملائكة يعني ظن الكفار الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا تام après on va voir كذلك il a le sens de quoi de شروح لكن ça c'est dans une autre chose et نعم celui qui avec معنى أوجد وجعل الليل والنهار أي وجعل الليل والنهار أي أوجد الليل والنهار تمام celui qui a donné naissance à la nuit et au jour نعم وجعل الليل والنهار هنا c'est quoi c'est pas من افعال من اخوات كان plutôt ظن c'est pas من اخوات ظن parce qu'il va rendre منصوب qu'un seul quoi qu'un seul مفعول donc tout ce qui va rendre منصوب qu'un seul مفعول de جعل et كذلك avec راء c'est ليس من اخوات ظن اخوات ظن pour que ce soit من اخوات ظن il faut qu'il apporte le sens de يعني افعال القلوب et كذلك qui rend quoi منصوب de مفعول تمام نعم انشاءالله la prochaine باب النحت انشاءالله dans un prochain cours s'il y a des questions par rapport au cours انشاءالله sinon on fera tant de salam بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك مع تحية دمال افاف.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين